Assassinat du duc de Guise par Paulin Paris. On a voulu voir dans l'assassinat du duc de Guise qu'un effet de l'impatience occasionné quelques jours auparavant par quelques paroles hautaines, c'est une erreur. Il fut résolu de l'instant où le roi se vit obligé de chercher à Chartres un asile. D'abord, Henri laissa courir dans le château de Blois le bruit de plusieurs révélations qui lui avaient été faites sur les desseins criminels du héros des barricades parisiennes. On parlait d'une lettre envoyée par le duc de Mayenne, dans laquelle était hautement exprimée l'horreur des mauvais déportements de son frère. Mayenne enviait bien, il est vrai, la gloire de Guise. Des querelles fréquentes et des rivalités d'amour avaient même nourri entre eux un venin réel d'animosité. Mais le roi se chargea bientôt de disculper Charles de Lorraine, en donnant ordre de l'arrêter dans son gouvernement de Guienne au moment où s'exécuta l'assassinat de Henri de Guise. On disait encore que tous les autres princes lorrains avaient pour le duc de Guise une aversion secrète, également née de leur jalousie et des dédains qu'ils en essuyaient. Alphonse d'Ornano, Corse de naissance, et Charles de Balzac, sieur de Dune, fomentaient d'un côté ces divisions et rapportaient de l'autre au roi le récit de leurs tentatives pour compromettre les Lorrains entre eux et à son égard. Cependant, Madame de Montpensier, cette sœur de Guise dont la haine pour le roi était déjà violente, montrait souvent aux courtisans une paire de ciseaux d'or qu'elle portait à sa ceinture, et dont elle voulait, disait-elle, se servir pour faire au roi une couronne de moine. Dans ce temps, elle quitta la cour de Blois pour accompagner sa belle-sœur, Catherine de Clèves, femme de Guise, qui allait faire ses couches à Paris. Mais le véritable but de cette absence était de ranimer l'enthousiasme des Parisiens pour leur grand, ainsi qu'ils appelaient le duc de Guise. Tout cela, rapporté au roi, l'encourageait à se défaire d'un homme dont la seule vue imprimait en lui la crainte et même le respect. Et c'est ainsi que la maison de Lorraine fut elle-même l'occasion imprudente de la perte de son plus grand soutien. Un allié de cette famille, le maréchal d'Aumont, contribua beaucoup à donner au roi le courage de devenir criminel. Il lui déclara que le duc de Guise avait tenté de le gagner en lui promettant le gouvernement de Normandie au détriment du duc de Montpensier. Puis, empruntant le ton des reproches, il conjura Henri de dépouiller son ancienne timidité et de repousser la honte dont les Lorrains l'avaient jusqu'alors couvert. À l'entendre, tous les Français frémissaient du précipice ouvert devant ses pas, et les plus fidèles l'abandonneraient s'ils n'acceptaient les offres de service qu'il lui faisait par sa voix. Les paroles du maréchal d'Aumont, connues par un long dévouement aux intérêts de la couronne, flattaient singulièrement les projets du roi. Dans le même temps, il avait lui-même avec le duc de Guise une altercation très vive au sujet d'Orléans. Le frère du sieur de Dune avait été nommé gouverneur de cette ville, quand, par le traité d'union, elle fut accordée au parti de la Ligue pour place de sûreté, mais quand Guise voulut en prendre possession, le roi jura qu'il avait été trompé et que dans le traité il avait cru signer la cession de Dourlin au lieu de celle d'Orléans. La reine-mère, consultée sur ce point, n'osa décider en faveur de l'un des deux, et d'un autre côté Villeroy, qui avait contresigné le traité, était absent et en avait la minute entre les mains. On assura alors au roi que Guise furieux n'avait pu s'empêcher de dire en sortant que le roi connaissait la vérité et que pour lui il serait bien conservé Orléans. Le roi prit en particulier le maréchal d'Aumont, Nicolas d'Angennes, sieur de Rambouillet, et Antoine de Brichanteau, sieur de Beauvais-Nangis, sur lesquels il comptait le plus. « Vous voyez, leur dit-il, comment me traite, et à quelle extrémité l'on m'a réduit. Il n'y a plus à balancer. C'est à vous, mes loyaux serviteurs, à me conseiller le remède que je dois employer. Et songez qu'un coup de main est aujourd'hui plus de saison que les plus beaux discours du monde. « Ordonnez, sire, s'écrièrent les trois fidèles, nous sommes prêts à exécuter vos ordres, quels qu'ils soient. « Eh bien, revenez demain matin, nous parlerons de cela. » Le lendemain, il revint dans le cabinet du roi, après avoir fait part de ce qui se tramait à Louis d'Angennes, frère du sieur de Rambouillet. Les sentiments furent d'abord partagés. Le roi fit paraître le désir de livrer Guise à la justice des tribunaux. D'Aumont, selon d'autres Beauvais-Nangis, appuya cet avis. Les trois autres n'eurent pas de peine à faire voir au roi le danger d'une pareille mesure. Qui sera l'accusateur d'un personnage si important? Quels indices? Quelles preuves seront valables? Quel sera le tribunal? Si, d'après la loi, on le traduit devant le Parlement, quel mouvement ne verra-t-on pas dans Paris? Quels juges oseront prononcer? Et quelle révolte ne sera pas alors probable? Un autre conseiller prenant vivement la parole. Quoi ? Après tant d'outrages réitérés, même depuis la dernière paix, attendrons-nous que le roi, assiégé dans son palais et poursuivi jusque dans son lit, devienne la victime des Lorrains ? À quoi bon d'autres preuves contre Guise ? Et comment balance-t-on dans une conjoncture qui menace le roi et le royaume d'une perte infaillible ? Certes, les souverains sont bien à plaindre s'il faut qu'ils leur en coûtent la vie pour qu'on ajoute foi à la réalité des conspirations tramées contre eux. Réveillez-vous, sire. Vos serviteurs attendent les ordres de votre justice. N'avez-vous pas souvent affronté la mort ? Pourquoi tant redouter la mort d'un autre ? Retenez cette sentence déjà trop souvent répétée. Ou le duc de Guise vivra, ou le roi Henri mourra. Et comme le disait d'un grand canoniste, il n'est rien que la nécessité n'autorise devant Dieu et devant les hommes. Le gant enjeté, s'écria le roi, Henri de Guise mourra. Alors la question fut uniquement de déterminer les moyens d'exécution les plus sûrs. Les avis restèrent longtemps partagés. Se saisira-t-on du duc au milieu des États ? Entourera-t-on son appartement ou le massacrera-t-on dans le cabinet du roi ? Ce dernier moyen prévalut. Les jours de conseil, les seigneurs qui devaient le composer étaient obligés de laisser leur suite à la porte de la salle des séances. C'était l'antichambre du cabinet du roi. La 4e compagnie des gardes du corps fut choisie pour en écarter les gens du duc. Cependant, outre les sieurs d'Entragues, Henri de Gouffier, sieur de Bonnivet, et François de Lagrange, sieur de Montigny, le roi choisit 9 assassins dans la troupe des 45 que le duc d'Épernon avait ajoutés au régiment de sa garde. Ils furent introduits le lendemain 24 décembre chez le roi par un escalier dérobé. Henri crut devoir les encourager par un discours préparé. « Ce jour, mes amis, sera le dernier de ma vie ou de celle du duc de Guise. C'est à vous de décider. Je suis, comme vous voyez, prisonnier dans cet appartement, et ce n'est que par votre valeur que je puis échapper aux mains de mes ennemis. Si je vous demandais la vengeance de quelque injure personnelle, peut-être ne me refuseriez-vous pas. Aujourd'hui, j'ai recours à vous dans le plus grand danger de ma vie. Il vous faut combattre pour la conservation des jours de votre prince, et c'est par la mort du duc de Guise qu'il faut l'assurer. » Disant ces mots, le roi sortit d'un coffre 10 poignards longs et effilés. « Voilà, dit-il en les donnant aux assassins, les vengeurs de votre liberté et de la mienne. Moi, votre maître légitime, je vous donne l'ordre de vous en servir pour le salut de ce royaume, contre les traîtres qui ont juré de le détruire. » Alors il les posta lui-même à l'une des portes du cabinet et demeura dans l'appartement voisin avec Dornan et les 3 autres complices qui venaient d'y entrer par un escalier dérobé. Revenons maintenant un peu sur nos pas, et jetons un regard sur le duc de Guise avant le moment qui doit terminer ses jours. L'un de ses amis, Gaspard de Chamborge, colonel des Allemands au service du roi, l'avertit dans les premiers jours de décembre des projets que formait contre sa personne Henri III. Il fut insensible à ses avis. Il venait de voir le roi promettre sur l'hostie consacrée de lui garder une amitié inviolable. Henri s'était montré plein de bienveillance, et jamais il ne lui avait reconnu tant de franchise. Il répondit donc qu'il ne craignait pas la mort. « Et si je meurs assassiné, ajoutait-il, mes enfants feront comme leur père. Leur aïeul le fut également. Mais le roi est trop bien instruit de mes affaires pour risquer, en me faisant mourir, ses intérêts les plus proches. Et dans tous les cas, une chose d'avance me console, j'aurai des vengeurs, et le roi lui-même expiera sans doute ma mort par la sienne. » Le 22 décembre, en se mettant à table, il trouva sur son assiette un billet qui contenait ces mots « Garde-toi des poignards ». Il demanda une plume, sans laisser paraître la moindre émotion, et écrivit au bas « Il n'oserait ». Puis il laissa le papier sous l'assiette pour qu'il revînt à celui qui lui donnait cet avis. Le lendemain, dans un repas, le cardinal de Guise, son frère, le président Nully et la chapelle Marteau le supplièrent de demeurer sur ses gardes. Nully, ligueur furieux, mais de bonne foi, embrassait ses genoux et les couvrait de ses larmes. « Mes amis, dit le duc de Guise, ne vous étonnez pas des pleurs de ce bonhomme. Elles viennent de faiblesse ou sont dues à l'excès du vin ?»« Non, reprit avec vivacité le président, et fasse le ciel que nous en soyons quittes pour la peur. » Ce même jour, le roi lui avait écrit pour l'engager à assister le lendemain 24 décembre au conseil qui devait se tenir de grand matin, sous prétexte d'une partie de dévotion qu'il avait arrangée. Guise passa la nuit dans les bras de la belle comtesse de Sor, dont il était amoureux. En allant à ce fatal conseil, quand déjà s'y trouvaient les autres seigneurs, un des gardes qui l'accompagnait et qui venait de découvrir le complot, ne pouvant lui parler, lui marcha sur le pied dans la foule. Le duc ne comprit rien ou négligea cet avis comme tous les autres, et se retournant vers cet homme, il le pria de prendre à l'avenir mieux garde à lui. Un instant après, ses gens cédèrent les premières places de la porte à ceux de la 4e compagnie des gardes, et le duc prit siège dans le conseil. Mais à peine était-il assis que les indices multipliés de la trahison se présentèrent à son esprit. Ses gardes sont éloignés. Des gens armés assiègent l'avenue du pavillon. Il ne reconnaît auprès de lui aucun de ses amis, si ce n'est l'archevêque de Lyon et son frère le cardinal de Guise, que sans doute attend le même sort. Il n'a pas même revêtu sa cuirasse, et cette cotte de mailles, présent affectueux des Parisiens, qu'il avait conjuré de la porter sans cesse, elle est renfermée dans ses appartements. Il jugea de ce moment qu'il était perdu, et pour la première fois, l'effroi s'empara de cette grande âme. Bien qu'il fût assis le dos tourné vers un grand feu, ses traits pâlirent, il devint froid comme du marbre, et le sang lui coula du nez en abondance. Alors il appela son secrétaire Péricard, qu'une autre charge de secrétaire des finances rendait nécessaire au conseil, et lui commanda, en priant, comme c'était sa coutume, d'envoyer quérir sa coquille d'argent, laquelle était un drageoir communément garni de raisins de Damas qu'il mangeait le matin, sans autrement déjeuner. Péricard ne put revenir vers lui, les soldats l'en empêchèrent. Quand le roi eut signé tous les actes qu'on présenta à son approbation, il se retira dans son cabinet, et 10 minutes après, un secrétaire d'État vint avertir le duc de Guise que le roi le demandait. Le duc, à cet avertissement, sembla reprendre toute sa fermeté. Il salua gracieusement ceux qui se trouvaient dans la salle et s'avança vers la porte du cabinet. Au-devant était placée une tapisserie. Comme il la levait pour entrer, Saint-Maline, un des assassins, qui se trouvait entre elle et la porte, avança la main gauche sur la garde de l'épée du duc et de l'autre main lui plongea du haut en bas de la poitrine la lame d'un poignard qui pénétra dans l'intérieur du tronc et pour jamais étouffa sa voix. Seulement, comme le sang sortait de la blessure à gros bouillon, Guise poussa un soupir rauque qui, glaçant de peur les assassins, les fit reculer de quelques pas. Mais bientôt, rougissant de leur frayeur, ils se retournèrent vers le duc qui brandissait son épée d'une main tremblante. Il se rapproche, il le frappe de 20 coups de pertuisane ou d'épée, et ne s'éloigne avec un nouvel effroi qu'à l'instant où le héros, semblant un instant commandé à la mort, s'avance d'un pied chancelant et fait 3 pas vers la porte latérale du même cabinet. Montpesat, sieur de Lognac, était chargé de la garder. À la vue de cette grande figure couverte de sang et d'une pâleur encore plus effroyable, de cette grande figure, celle du duc de Guise, menaçant encore, Montpesat partagea l'effroi des autres assassins. Il prit son épée et la mit à la hâte sans la sortir du four entre lui et le héros. Guise vint la toucher et en même temps tomba sur le tapis de pied du roi. Ce fut là qu'il expira sur le champ. Au bruit de la chute, Henri III se leva de sa chaise et dit à voix basse « Est-ce fait ?»« Oui, sire, » lui répondit-on. Alors il s'avança vers le cadavre, lui marcha lui-même sur le visage et lui donna un coup de pied semblable à celui que le duc de Guise, hélas, avait jadis porté au corps de l'amiral Coligny. Puis tout d'un coup, jetant les yeux sur sa victime, Henri III dit tout haut « Mon Dieu, qu'il est grand! Il paraît plus grand mort que vivant !» Alors on renversa sur lui le tapis, et le roi se hâta de quitter la chambre. En même temps on arrêtait le cardinal de Guise, et le lendemain on le tua à coups de hallebarde. La mère de ces deux illustres victimes, femme d'une grandeur d'âme, digne de ses enfants, était alors à Blois. Elle courut se jeter aux pieds du roi pour implorer de lui la faveur de faire inhumer le duc et le cardinal. Elle embrassa ses genoux, elle le supplia par tout ce qu'il y a de saint dans l'univers. Inutile démarche, la nuit suivante, on descendit les deux cadavres avec une corde dans la basse-cour du château, on les mit dans de la chaux préparée par l'un des chirurgiens du roi, pour qu'il ne restât d'eux aucune trace. Puis Richelieu alla trouver Madame de Guise et lui jura solennellement qu'il les avait lui-même vus enterrer par les ordres du roi dans la Terre Sainte. on fit sur la mort du duc de Guise le sonnet suivant, qui m'a paru la moins mauvaise pièce de toutes celles qu'on a composées. Celui dont les aïeux vainquirent l'Idumée, et qui vainquait déjà l'honneur de ses aïeux. Celui qui eut un père, et grand et glorieux, dont jeune il effaça la haute renommée. Celui de qui la France était comme charmée. Celui sur qui l'Europe avait jeté les yeux. J'y ici. N'en recherche, ô passant curieux, la cause avec le corps sous la tombe enfermée. Les morts ne parlent pas, les grands sont furieux. Mais si là, d'un vrai zèle et non ambitieux, l'Église en ses desseins sincèrement aimée, alors qu'on le meurtrit comme un audacieux, des couronnes du monde ayant l'âme enflammée, on l'a, sans y penser, couronné dans les cieux. Ainsi s'achève Assassinat du duc de Guise par Paulin Paris.